Le changement climatique est là. Alors, on fait quoi ? Moi, je fais mes courses en vrac. Ah, moi, je me déplace à vélo. Et je fais pipi sous la douche. Tous nos gestes comptent. Mais comment aller plus loin ? À la Fondation Terre Solidaire, nous pouvons agir ensemble sur nos modes de vie pour construire une transition écologique vertueuse. Nous soutenons les initiatives locales qui inventent de nouvelles façons de produire et de consommer, comme la création d'une filière de la fleur française en circuit court ou le développement local des énergies renouvelables via des collectifs de citoyens. Pas d'action sans don. Soutenez la Fondation Terre Solidaire. La science CQFD, Natacha Triou. Nous le savons, l'action individuelle et politique est la seule voie pour lutter contre la crise environnementale. Pourtant, cette lutte patine. Notre cerveau ne serait-il pas responsable de cette inaction climatique ? Si je prends l'avion tous les jours pour faire des Paris-Lyon, je ne peux pas dire que ce soit la faute de mon cerveau. Expliquer l'inaction climatique par le seul prisme des neurosciences serait bien trop réducteur. Mais les sciences cognitives peuvent nous éclairer sur les barrières mentales et les biais cognitifs qui peuvent freiner le passage à l'action. Quels sont ces mécanismes qui bloquent la prise de conscience du changement climatique et comment mettre à contribution les sciences cognitives pour la transition écologique ? Inaction climatique, bon biaisé du cerveau. Aurore Grandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences cognitives à l'ENS au sein du laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles. Nous sommes en ligne également avec Mathilde Mus, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences cognitives à l'ENSPS à l'Institut Jean-Nico. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet riche de sources, d'articles et d'études. C'est tout de suite @sciencesqfd et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de ce que les neurosciences et sciences cognitives nous permettent de comprendre de cette crise climatique, de comment certains biais cognitifs peuvent jouer en faveur de cette lutte et de pourquoi le cerveau, d'un point de vue psychologique et cognitif, n'arrive pas à envisager une menace qui n'est pas immédiate. Et écoutez, pour ne rien vous cacher, j'ai acheté le plus d'actions possible et je vous conseille d'en faire autant. Vous êtes un capitaliste sans scrupules. Dis la femme qui se baignera bientôt dans le jacuzzi flambant neuf que je poserai sur ma terrasse grâce vous à mes actions. Vous connaissez par cœur. Mais oui, je vous connais. Je vous connais. Alors, docteur Randall, vous êtes sûr que ça va ? Vous voulez un verre d'eau ? Je ne me sens pas très bien. D'accord. Alors je crois que nous allons envoyer une coupure pub et on sera bientôt de retour. S'il vous plaît, non, ne me coupez pas. J'ai quelque chose à dire. D'accord. Alors ça tombe très bien parce que dans notre émission, on peut s'exprimer. Est-ce que vous pourriez arrêter de nous emmerder avec votre de bonne humeur ? Pardon, mais tout n'a pas systématiquement besoin d'être intelligent, charmant, ni même aimable. Il y a des moments où on devrait seulement pouvoir se dire les choses. On a besoin d'entendre les choses. Écoutez, je vais rappeler, une fois encore, qu'il y a une très grosse comète qui se dirige vers la Terre. Et si tous, autant qu'on est, on est incapable au minimum de reconnaître que c'est une comète de la taille du mont Everest dégringole droit vers la planète Terre, ce n'est pas une putain de bonne nouvelle ! Alors qu'est-ce qu'on a foutu pour en arriver là ? On aurait dû faire dévier cette saloperie de comète quand on en avait l'occasion, mais on l'a pas fait, je veux dire, je sais pas pourquoi on l'a pas fait. Voilà l'extrait de Don't Look Up, déni cosmique, film réalisé par Adam McKay. Une comète qui est l'allégorie du réchauffement climatique. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Aurore Grandin ? Je pense que c'était une plutôt bonne métaphore. Enfin, la comparaison a un peu ses limites, hein, parce que la menace du réchauffement climatique, elle n'est pas aussi simple que juste une comète qui peut détruire la Terre. Mais le message était clair et ensuite, le titre du film, il a servi aussi de terme de ralliement pour des mouvements climat, d'activisme. Donc, c'était le bienvenu. Et même si l'analogie n'est pas parfaite et il y a peut-être une dimension un peu catastrophique qui était dans le film, je pense qu'il y avait deux aspects hyper positifs sur l'humour, la critique des médias, hein, parce qu'il y en a qui font pas toujours ce rôle de justement s'intéresser au discours scientifique et à raconter l'urgence à la hauteur de ce qu'elle est, donc intéressant. Mathilde Mus ? Oui, moi ce que je trouve intéressant, donc là l'extrait vraiment il est focalisé sur le fait de se rendre compte d'une menace, je pense que dans l'inaction climatique, donc bien sûr, il y a eu toute cette période au tout début des lanceurs d'alerte, réellement où l'enjeu était la prise de conscience de ce dérèglement climatique. Et je pense que maintenant, et je pense qu'Aurore me rejoint là-dessus, ce qu'on voit avec les sciences cognitives, c'est que le blocage finalement, il est peut-être pas tant sur le fait de réalisé que cette menace existe. Dans les derniers sondages nationaux, il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui déclarent qu'ils se sentent préoccupés par la menace climatique. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire du travail de communication sur cette menace, mais ce qui semble vraiment être problématique finalement, c'est le passage à l'action. Comment faire, comment trouver des solutions pour que cette crise soit moins grave qu'elle ne pourrait l'être. Et nous, c'est vraiment là, dans les sciences cognitives, qu'on essaie de travailler sur ce passage de l'intention à l'action. Donc voilà, je pense qu'il y a une autre phase, et une fois qu'on a réalisé la menace, qu'est-ce qu'on en fait ? Récemment, il y a eu beaucoup de phénomènes aussi d'éco-anxiété, donc je pense vraiment voilà, que beaucoup d'individus se sentent vraiment très anxieux par rapport à cette menace climatique, mais l'anxiété peut aussi avoir un effet paralysant et ne pas aider à l'action. Et voilà, je pense que là où les sciences cognitives ont vraiment quelque chose à apporter, c'est comment on peut aider les individus, une fois qu'ils ont réalisé cette menace, à passer à l'action. Oui, c'est pourquoi la pensée d'une catastrophe imminente ne nous conduit-elle pas à modifier nos comportements ? Ce sont vos sujets d'études, Aurore Grandin. Oui, moi je m'intéresse justement, je rejoins Mathilde là-dessus, je m'intéresse vraiment aussi à l'action en fait, les déterminants des comportements, qu'est-ce qui va faire qu'on va passer à l'action et vouloir réduire personnellement son empreinte carbone, adopter des gestes éco-responsables. Donc je m'intéresse effectivement des fois à cet écart entre la prise de conscience et puis le passage à l'acte et qu'est-ce qui, tous les freins socio-cognitifs qui peuvent bloquer en fait l'action pour réduire son empreinte écologique. Alors vous l'avez dit, une comète, le réchauffement climatique, c'est pas aussi simple qu'une comète qui s'écrase sur Terre. Les sciences cognitives parlent du changement climatique comme un super wicked problème, et ça constitue une tempête cognitive parfaite. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ah oui, c'est un terme qu'on peut rencontrer. Enfin, le deuxième, je connaissais pas, mais le fait que ce soit un super wicked problème, je pense que c'est une dimension à la fois temporelle, d'incertitude et puis de dilemme social. En fait, c'est je pense, le fait que la responsabilité du changement climatique soit répartie qui fait que c'est un dilemme social. En fait, l'idée, c'est que chaque individu n'est pas plus responsable. Enfin, en tout cas, s'il y a des différences de responsabilité des individus, mais disons que cette responsabilité, elle est diffuse dans plusieurs groupes d'individus, et ça fait qu'en fait, on a du mal à imputer une responsabilité de ce problème-là à quelqu'un en particulier, à trouver des leviers d'action. Les gens ont tendance à se renvoyer la balle, donc c'est aussi comme ça que j'ai entendu parfois défini comme un problème à ce point difficile, c'est qu'en fait, tous les acteurs à tous les niveaux se renvoient la balle, que ce soit les individus, les États, les regroupements d'États, l'Union européenne, les entreprises, tout le monde se renvoie un peu la balle. Mathilde Meuss ? Oui, tout à fait. Pour complémenter ça, je pense que pour le cerveau humain, ce qui est très difficile, on l'a vu aussi avec la crise du Covid, il y avait des éléments aussi d'incompréhension qui étaient similaires. Avec le réchauffement climatique, on a des événements qui sont à la fois spatialement et temporellement éloignés, et également qui ne vont pas à la même vitesse partout. Il y a aussi beaucoup de phénomènes d'inertie, c'est-à-dire que même si on réduit, ça on le sait maintenant très bien, nos émissions de CO2 maintenant, l'effet ne va pas être immédiat sur cette baisse effective des émissions globales. Et ça, pour le cerveau humain, c'est pas facile à appréhender, en fait, quand déjà il y a des causes multiples, des conséquences multiples, et ces conséquences sont diffuses dans le temps et dans l'espace et sont à intensité variable. Donc tout ça, c'est pas des choses avec lesquelles le cerveau est très familier. Les phénomènes exponentiels, c'est vraiment très difficile de se représenter ce que ça signifie. Donc voilà, il y a tous ces petits freins pour lesquels le cerveau n'est pas forcément facilement équipé pour pouvoir bien les percevoir et bien les comprendre, même si une pédagogie est tout à fait possible. Ces petits freins, on va évidemment les passer à la loupe tout au long de cette émission. Et un mot quand même sur la place des sciences cognitives dans les sciences environnementales. Quand on veut comprendre la crise climatique, on fait rarement appel aux neurosciences. Quelle est donc la place des sciences cognitives dans les sciences environnementales, Mathilde Meuss ? Oui, alors en fait c'est un sujet qui est assez récent, donc comme vous le dites, c'est pas quelque chose d'intuitif de se dire bah tiens, il y a une crise climatique, pourquoi on ferait pas appel à des sciences cognitives ? Donc les sciences cognitives, juste pour définir ce que ça recoupe, c'est l'ensemble des disciplines qui s'intéressent au cerveau et au comportement humain, à la psychologie également. Et en fait dans la crise climatique, finalement, c'est qu'il y a environ une bonne petite vingtaine d'années que ces sujets ont commencé à, a vraiment émergé, et c'est qu'en fait avant on considérait voilà qu'il y avait une dimension économique au problème, une dimension de l'ordre des sciences du climat, etc. Mais on ne pensait pas qu'une partie des freins et des leviers pouvaient venir de la manière même dont les individus fonctionnent. Et je pense que dans les années plus récentes, on s'est heurté finalement à cette dimension vraiment humaine et sociale de la crise climatique. Et on s'est rendu compte que pour que des mesures environnementales soient efficaces, et ben il faut qu'elles ne rentrent pas en conflit avec notre psychologie humaine et notre contexte social en tant qu'espèce humaine. Également, il y a tout un enjeu d'acceptabilité des mesures, donc c'est pas qu'une question d'efficacité, de trouver quelles mesures sont les plus efficaces, mais il faut aussi que la population soit à même d'accepter ces mesures. Et donc là, encore une fois, on a vraiment l'humain qui est au cœur de ces questions, et c'est pour ça que je pense que les sciences cognitives sont vraiment un très bon prisme complémentaire aux autres prismes déjà existants pour étudier cette question. Aurore Gandin, pour comprendre ce phénomène planétaire qu'est le changement climatique, on a donc besoin d'étudier ça de manière pluridisciplinaire. Oui, complètement. C'est pour ça que les sciences cognitives sont assez pertinentes. C'est vraiment un regroupement de différentes disciplines. Donc c'est vrai qu'on pense souvent aux neurosciences quand on parle de sciences cognitives, mais c'est pas la seule discipline. Comme l'a dit Mathilde, il y a plein d'autres approches scientifiques. Donc il y a de la psychologie, il peut y avoir de l'anthropologie, de l'intelligence artificielle et voilà. Et donc oui, chaque sous-discipline a quelque chose à apporter. Et en particulier, c'est vrai que les sciences humaines, sociales et cognitives ont été un peu sous-estimées, comme l'a dit Mathilde. Et je pense que c'est important maintenant de prendre conscience de ce qu'elles peuvent fournir, en fait, pour éclairer les politiques publiques, les décisions collectives et individuelles qu'on doit prendre. Est-ce que les sciences cognitives sont prises en compte dans les travaux du GIEC, par exemple ? Alors oui, c'était moins vrai il y a quelques années, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui monte vraiment en puissance. Disons qu'il y a surtout la psychologie. Je pense qu'il y a peu de neuroscientifiques qui sont présents dans le GIEC. Enfin, je pense qu'il n'y en a quasiment aucun, mais je ne vais pas dire de bêtises parce qu'il y a vraiment beaucoup de scientifiques. Mais ça va de pair, je pense, avec le fait que les neurosciences, effectivement, sont une discipline qui s'intéresse donc au niveau du cerveau, du fonctionnement de nos neurones, et qui sont un prisme un peu limité aussi pour aborder le changement climatique, parce qu'on va, en tout cas, elles ne peuvent pas l'aborder toutes seules, et elles peuvent être pertinentes qu'en lien avec d'autres disciplines, de même que la psychologie a besoin aussi de la sociologie et d'autres sciences humaines et sociales qui s'intéressent au niveau de la société, quoi. Mathilde Meuss. Oui. Une autre manière dont les sciences comportementales sont de plus en plus intégrées à l'action publique, c'est aussi par une équipe de chercheurs en sciences comportementales qui travaillent avec directement main dans la main avec des décideurs publics. Ce sont des personnes qui travaillent à la DITP, donc Direction interministérielle de la transformation publique, et où là, il y a vraiment des chercheurs qui essaient de faire appliquer les connaissances qu'on connaît dans la littérature académique à de réels projets d'action publique, dont des projets environnementaux. Donc voilà, ça fait quelques années que cette équipe est en fonctionnement. Je pense que ça veut aussi dire que même au niveau de l'administration d'État, on comprend que ce sont des sujets importants. Et pour rebondir sur le point que mentionnait Aurore sur l'échelle, les différentes échelles sur lesquelles les sciences cognitives peuvent apporter des éclairages. Donc si vous voulez, en sciences cognitives, on peut avoir plusieurs prismes, plusieurs échelles. Il y a l'échelle neuronale, donc là on s'intéresse vraiment au fonctionnement des neurones. L'échelle cérébrale, on va plus s'intéresser à des structures. Et ensuite on va avoir l'échelle plutôt comportementale, donc là on observe des comportements. Et finalement toutes ces échelles ne vont pas apporter les mêmes réponses aux mêmes questions. Et en fait l'échelle neuronale et cérébrale, elle est très intéressante, mais dans les problématiques environnementales, elle n'est pas forcément toujours pertinente. Parce que si vous voulez, si on met quelqu'un dans un IRM et qu'on lui pose des questions sur la transition écologique ou ce genre de choses, en fait, énormément de zones du cerveau vont s'activer. C'est-à-dire que c'est des fonctions qu'on appelle haut niveau, le comportement politique, les comportements sociétaux, pas parce que c'est des fonctions plus complexes ou meilleures que d'autres, mais en opposition par exemple au phénomène visuel, la vision c'est ce qu'on appelle un phénomène bas niveau, parce qu'elles font intervenir des zones vraiment dédiées, spécifiques, qu'on peut vraiment voir en imagerie et où c'est vraiment pertinent comme échelle, mais voilà, toutes les questions politiques, sociétales, etc., elles vont faire intervenir un tellement grand nombre de zones cérébrales que finalement, c'est peut-être pas très intéressant de savoir si c'est telle zone du cortex frontal qui s'active ou telle zone du lobe temporal. Voilà, ça peut être intéressant, mais comme dit Aurore, c'est limité. Et là, peut-être que l'échelle du comportement devient plus intéressante. Mais est-ce que s'intéresser aux mécanismes psychologiques, au fonctionnement cérébral de l'inaction climatique, est-ce que cela ne revient-il pas à se focaliser sur l'échelle individuelle et les petits gestes, alors qu'on sait que ceux-ci sont largement insuffisants pour répondre à l'ampleur de cette crise, Aurore Gandin ? Un petit peu, c'est un reproche qui va souvent être fait, je pense, à la psychologie aux neurosciences. Et il y a une part de vérité parce que ce sont des disciplines qui sont focalisées sur l'individu, le cerveau, donc à un niveau, un niveau individuel souvent. Mais en fait, ça n'empêche pas que donc, c'est des disciplines qui ont une pertinence justement quand elles sont invoquées en lien avec d'autres approches qui s'intéressent à d'autres niveaux. Et je pense que, par exemple, nous, dans notre équipe de recherche, on a beaucoup d'apports de la psychologie sociale. En fait, on est une équipe de cognition sociale et donc c'est une approche de la psychologie qui va s'intéresser à la manière dont la psychologie individuelle est influencée par le groupe. Donc son environnement social, les personnes autour de nous, comment on se compare aux autres, comment on perçoit les valeurs des autres. Et donc en fait, c'est bien le signe que finalement des disciplines qui sont au niveau de l'individu, elles prennent quand même en compte un contexte naturel, social, autour de l'individu. Et qu'elles peuvent collaborer avec des approches qui sont un peu plus larges. Donc l'idée, c'est de ne pas opposer les deux, mais en gardant bien en tête que il faut les convoquer ensemble. Et puis plus on comprend les mécanismes de l'action, plus on peut avoir des moyens d'agir dessus. Alors, quels sont les biais cognitifs impliqués à l'inaction climatique ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h15 sur France Culture, avec Aurore Grandin et Mathilde Meuss, nous parlons du cerveau et de notre cognition face au changement climatique. Nous venons de voir comment les neurosciences et les sciences cognitives peuvent expliquer, éclairer l'inaction climatique. En 2019, Le bug humain, un ouvrage publié par Sébastien Boller, a fait beaucoup de bruit. Alors ce n'est pas une étude, c'est un livre de vulgarisation qui s'appuie sur 300 études universitaires. Avant d'expliquer pourquoi ce livre est contestable, est-ce que je peux vous demander de nous présenter sa théorie, Mathilde Meuss? Oui, tout à fait. Alors, donc cet ouvrage, qui a ensuite été repris par d'autres personnes, pas uniquement Sébastien Boller, font référence à ce que maintenant on peut appeler, par exemple, dans les médias, la théorie du striatum. Donc, je vais essayer d'expliquer cette théorie. Donc, le striatum, qu'est-ce que c'est? C'est une structure cérébrale qu'on appelle un noyau de la base. Donc, c'est un noyau profond du cerveau. Et ce striatum, il est notamment impliqué dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un système qui va faire qu'on va renforcer certains comportements parce qu'ils nous donnent du plaisir. Donc c'est notamment un système qui nous permet de générer de la motivation pour entreprendre certaines actions. Donc pour vous donner un exemple, quand vous mangez, quand vous avez des relations sexuelles, quand vous êtes dans une position où vous avez du pouvoir, vous allez ressentir du plaisir dans cette situation. Et c'est lié à un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, et qui est lié justement à ce striatum. Donc vous avez des petites décharges de dopamine qui vont vous faire ressentir du plaisir dans ces situations et qui vont faire que vous allez vouloir vous retrouver dans ces situations encore et encore pour bénéficier de ce ressenti positif. C'est un mécanisme qui est très ancien et qui est présent chez tous les mammifères parce qu'il a vraiment aidé à la survie et la reproduction de l'espèce. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien établi en neurosciences, le striatum, la dopamine, ce circuit de la récompense. Mais là où la théorie du striatum fait un pas de côté et qui, on va le voir, est pas forcément justifiée, c'est de dire que l'existence de ce circuit, ce circuit va être notre ennemi et va faire en sorte qu'on va toujours adopter des comportements qui ne sont pas éco-responsables et qui va nous entraîner dans un cercle de surconsommation. Donc notamment, quand vous consommez, très probablement, vous avez des décharges de dopamine, vous avez du plaisir à consommer. Et ce que cette théorie postule, c'est que du coup, vous allez toujours vous retrouver dans cette situation de consommation, vous allez surconsommer pour avoir toujours plus de plaisir, toujours plus de dopamine. Et finalement, c'est très difficile de sortir de ce cercle vicieux. Donc ça, c'est la théorie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je trouve, et d'autres personnes que moi également, que cette théorie est contestable. La première, c'est que déjà, dans ce livre, cette théorie est présentée comme quelque chose vraiment d'avéré, de presque consensuel dans la littérature académique. C'est pas du tout le cas, c'est une théorie qui fait extrêmement débat, et c'est une théorie qui, pour l'instant, n'a pas reçu de preuves empiriques. Donc il n'y a pas eu d'études spécifiques sur ce sujet-là. Est-ce que le circuit de la récompense entraîne des comportements qui ne sont pas éco-responsables? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on se concentre sur la théorie en elle-même, c'est que le circuit de la récompense, finalement, c'est pas du tout la seule manière d'expliquer la prise de décision. En fait, dans ce livre, il y a vraiment un aspect réductionniste qui fait le parti pris de dire cette structure cérébrale, le striatum, elle est à l'origine de nos comportements, de nos décisions. Et ça, bah, quand on fait des sciences cognitives, on sait bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. La prise de décision, elle fait intervenir énormément de structures cérébrales et même des choses qui ne sont en dehors de notre cerveau, notre contexte social, économique. Et c'est vraiment très réducteur de penser que voilà, la prise de décision se réduit au striatum. Il y a même tout un pan des neurosciences qui s'intéresse à la prise de décision. Ça fait intervenir des zones dans le lobe frontal notamment. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement complexe. Et pour aller encore plus loin, si même on ne prend pas en compte ces arguments-là, si on se concentre uniquement sur le circuit de la récompense, en fait, le circuit de la récompense, il peut, selon certains contextes, être notre allié pour les comportements écologiques. Je m'explique. Si vous êtes dans un groupe d'amis qui valorise le fait d'être végétarien, alors même qu'au départ, peut-être votre cerveau pourrait vous envoyer un peu de dopamine quand vous mangez de la viande, parce que vous trouvez que c'est bon et vous avez envie de faire ça, en fait, votre système de la récompense peut se recalibrer pour vous faire valoriser le fait de ne pas manger de viande. Et vous allez être content, vous allez ressentir de plaisir quand vous ne mangez pas de viande parce que ça correspond aux valeurs de votre groupe social. Donc finalement, on voit que cette théorie a vraiment des limites. Et je pense même aussi qu'elle peut avoir des effets rebonds, c'est-à-dire que si vous pensez que c'est votre cerveau qui vous fait adopter des comportements qui ne sont pas éco-responsables, ça enlève finalement de... une sensation de contrôle, on se dit, bah voilà, c'est mon cerveau, c'est pas moi, je vais pas changer. Donc voilà, elle peut avoir aussi des conséquences qui sont pas neutres, cette théorie. Et le bug humain, c'est un livre donc qui porte un discours qui incrimine le cerveau, hein, le fait d'utiliser les neurosciences pour expliquer l'inaction climatique, c'est quand même assez réductionniste et potentiellement déresponsabilisant. Aurore Grandin, néanmoins, dans ce livre, il est question du fait que le cerveau a une préférence temporelle et une tendance à l'immédiateté, c'est vrai ça? Alors, d'une certaine manière, oui, je pense qu'il y a pas mal de choses, hein, dans ce livre qui sont relativement justes ou de mécanismes, mais c'est juste que, comme l'a dit Mathilde, parfois ce sont des résultats scientifiques qui vont être extrapolés, qui vont venir d'une littérature peut-être sur le comportement alimentaire, sur l'impulsivité dans le comportement alimentaire, et qu'on extrapole ensuite à des comportements climatiques et co-responsables qui sont beaucoup plus complexes. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont assez justes, mais qui sont sursimplifiés, on va dire, et peut-être parfois déformés. Mais en tout cas, sur cette question des préférences temporelles, oui, c'est vrai qu'on parle souvent d'un biais cognitif qu'on appelle le biais d'immédiateté, en fait, c'est souvent un biais qui est cité comme une des causes de nos difficultés à agir, parce que donc, ce serait une tendance qu'on ait à préférer plutôt des récompenses présentes par rapport à des récompenses futures. Et c'est ce qui fait que, et aussi qu'on s'intéresserait plus à des menaces présentes quand tout de suite la fin du mois plutôt que la fin du monde, par exemple, c'est une expression qui résume assez bien le problème, le fait qu'on ait un peu du mal à se représenter une menace qu'on perçoit comme future. Donc après, c'est quelque chose qui est assez complexe aussi, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui dans les sondages d'opinion qu'il y a plus de la moitié de la population mondiale qui perçoit le changement climatique comme ayant lieu maintenant. Donc en fait, tout le monde n'a pas forcément une perception de cette menace comme étant extrêmement distante dans le temps. Il y a une partie des gens qui réalisent que c'est maintenant. Et donc, je pense sur la question du biais d'immédiateté, elle est peut-être plus pertinente quand il s'agit du comportement, de la prise de comportement, la prise de décision individuelle, quand il s'agit d'agir. Est-ce que je prends la décision de prendre l'avion tout de suite, de consommer maintenant? Est-ce que je me restreins dans ma consommation? Ça, c'est quelque chose qui peut être assez pertinent. Et donc là, c'est là peut-être que les recherches en lien avec le test du marshmallow sont peut-être un peu plus pertinentes. Ah, le test du marshmallow, on peut l'expliquer ensemble, Aurore Grandin. Oui, alors c'est un test qui a été inventé par un psychologue social des années 60 de Stanford. Et alors il a d'abord fait cette expérience auprès des enfants, parce que voilà, l'idée c'est de tester un peu la patience des enfants avec un marshmallow. On leur donne un marshmallow tout de suite et on leur dit tu peux le manger maintenant, mais si tu attends 5 minutes sans le manger, tu peux en avoir 2. Donc c'est vraiment un test de patience, est-ce que les petits arrivent à patienter pour avoir la récompense plus élevée. Et donc, on se rend compte que c'est très difficile. Il y a des vidéos un peu sur Internet qui montrent que c'est... voilà, que il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à patienter. Et il y en a beaucoup même qui arrivent, mais qui ont vraiment du mal. Mais voilà, c'est un test qui est souvent un petit peu déformé, je pense, dans son interprétation, parce que justement, on a tendance à dire les gens n'arrivent jamais à attendre. En fait, si, il y a des gens qui arrivent à patienter. Et donc, c'est une expérience qu'on peut aussi transposer chez des adultes. Au lieu de proposer des marshmallows, on demande aux gens des alternatives entre des récompenses monétaires. Donc, est-ce que vous préférez 100 € aujourd'hui ou 200 € dans 2 semaines, par exemple, ce genre de choses. Et on se rend compte que les réponses sont assez variables en fonction des gens. Donc évidemment, si on vous demande est-ce que vous voulez 100 € maintenant ou 100 € dans 2 semaines, personne n'a d'hésitation. On préfère tous, pour une même somme d'argent, on préfère tous avoir cette récompense maintenant, parce que pourquoi attendre? Par contre, quand cette récompense est plus élevée, dans 2 semaines, si on vous propose 200 € plutôt que 100 €, il y aura certaines personnes qui vont accepter de patienter et il y aura d'autres personnes qui vont vouloir, elles, à l'inverse... avoir la récompense tout de suite. Et donc ça, il y a beaucoup de différences interindividuelles là-dedans. Et donc ça peut expliquer aussi un certain nombre de différences individuelles dans les actions aussi face au changement climatique. Est-ce qu'on arrive à se restreindre dans notre surconsommation, ou au contraire, est-ce qu'on on fait pas attention à ça et on cherche des récompenses immédiates? Et sur tout un tas de comportements et d'horizon temporel. Là, on est déjà en train de parler de ces biais liés au changement climatique. Là, on parle du biais d'immédiateté qui est donc lié à nos préférences temporelles. On va vouloir une récompense tout de suite. Mathilde Muse, vous avez parlé du biais de conformisme social. Il y en a d'autres qui interviennent dans cette inaction climatique. On peut aussi parler, Mathilde Muse, du biais de supériorité à la moyenne. Oui, tout à fait. Alors, peut-être que je laisserai Aurore plus s'exprimer davantage sur ce sujet, parce que c'est elle qui conduit des recherches spécifiquement sur ce sujet. Mais oui, on peut avoir tendance à penser que l'on fait les choses mieux que les autres. Donc on est celui qui va le plus recycler, qui va le faire le plus d'efforts pour changer sa consommation de viande, changer son mode de transportation. Mais on voit bien qu'il y a un problème comptable. Si tout le monde se pense supérieur à la moyenne, et c'est juste mathématiquement impossible. Donc voilà, c'est un biais qui peut avoir tendance à nous pousser à nous dire c'est bon, moi je fais déjà beaucoup, je fais mieux que tout le monde. Donc ça c'est un autre type de biais qui existe. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Aurore précédemment. Je pense que c'est important de bien comprendre que les biais cognitifs, c'est pas quelque chose qui s'applique forcément de la même manière chez tout le monde. Et ça, c'est souvent peu expliqué. On pense qu'un biais cognitif, chaque humain va l'avoir dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Alors qu'il y a énormément de recherches justement sur les différences interindividuelles dans les biais qui dépendent du contexte social, du contexte d'autres traits de personnalité des personnes. Et je pense que c'est très important de se dire qu'un biais, c'est pas quelque chose qui est... ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Également, ce n'est pas quelque chose qui est inévitable. Ce n'est pas parce qu'on a une tendance à l'immédiateté qu'on va nécessairement toujours prendre la décision qui est de la récompense immédiate. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Oui, un biais cognitif n'a pas la même force pour tout le monde et on peut totalement s'en défaire. Aurore Grandin, il existe d'autres biais qui ont un impact également dans nos décisions concernant le changement climatique. Par exemple, on peut penser au biais de confirmation. C'est aussi un exemple qui est pas mal repris parce que donc le biais de confirmation, c'est une tendance générale à plutôt rechercher des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables, de notre idéologie, et à éviter peut-être aussi celles qui vont nous contredire. Donc ça peut faire que si on est une personne climato-sceptique, elle va plutôt rechercher des informations auprès de médias qui diffusent un discours climato-sceptique ou de personnalités qui défendent ce genre de position. À l'inverse, ça peut aussi renforcer des personnes qui sont très convaincues de la réalité du changement climatique, aller chercher des informations là-dessus, mais en l'occurrence, c'est plutôt bien. Autre biais dont on peut parler également, qui est assez le biais de l'autruche, presque le biais du statu quo. Oui, ça c'est une espèce de tendance à l'inertie en fait. Mmh. C'est une difficulté à changer. Ça va faire qu'on va peut-être avoir un peu du mal à bouger nos habitudes quand elles sont déjà établies et qu'on va avoir tendance à surestimer en fait la difficulté à changer ces habitudes-là.

avoir un peu plus de mal à l'appréhender et à penser qu'on peut être touché par ça. Voilà, ça revient à une difficulté un petit peu à appréhender les probabilités de risque et tout ça. Ça peut jouer effectivement pour la perception des menaces climatiques. Il y a pas mal de sondages qui montrent qu'effectivement, quand on demande aux gens « est-ce que vous pensez que vous allez être touché par une menace ?», ils ont plus tendance à le penser pour d'autres pays que pour le leur, pour des régions autres que le leur. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui peut freiner la perception de la menace. Outre, on peut aussi prendre l'exemple de la Covid-19, Mathilde Meuss. Oui, tout à fait. En fait, justement, j'étais en train de penser que il y a beaucoup d'études qui montrent que même quand on veut faire passer un message sur les conséquences du réchauffement climatique, parfois il est plus simple de prendre des exemples qui proviennent du domaine de la santé. Donc il y a des interventions qui sont plus efficaces quand elles montrent que par exemple la pollution aux particules fines, en plus de polluer l'air extérieur, ce sont aussi des choses qui vont polluer l'air intérieur et qui vont développer les risques de maladies, à la fois chez les enfants et les adultes. Et souvent, ce prisme-là permet d'avoir une prise de conscience un petit peu plus forte et rapide parce que ça touche l'individu directement. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé pourquoi les pouvoirs publics ont réagi de manière aussi forte et rapide pour le Covid et que la même chose ne soit pas faite pour l'action climatique. Et justement, peut-être qu'une partie de la réponse tient ici, c'est que le domaine de la santé touche vraiment l'individu dans dans son immédiateté et dans ses conséquences directes, alors que c'est moins le cas, en tout cas, ça va le devenir, malheureusement, mais c'est un petit peu moins le cas pour le dérèglement climatique. Donc peut-être que c'est ici qu'il y a un changement qui s'opère. Le changement climatique a du mauvais côté de tous nos biais cognitifs pour la prise de décision. Aurore Grandin, comment limiter justement tous ces biais ? En fait, je pense qu'on peut aussi s'appuyer dessus pour arriver à inciter les individus à adopter des comportements éco-responsables. Donc on peut, oui, limiter l'effet de certains biais ou les rediriger vers des actions qui soient un peu plus productives. C'est vrai qu'on a parlé de différents biais, mais en fait, ils peuvent être utilisés aussi pour l'action. Par exemple, le biais de statu quo qu'on a mentionné, donc c'est une espèce de biais d'inertie qui fait qu'on a un peu du mal à changer. C'est quelque chose qui est utilisé sous forme de nudge, en fait, donc des interventions comportementales qui s'appuient justement sur nos biais pour orienter les comportements. On peut l'utiliser, un type de nudge particulier qui s'appelle les options par défaut. Et donc ces options par défaut, c'est quelque chose d'assez intuitif, qui existe déjà beaucoup en marketing, mais c'est de dire on va prédéfinir un choix. Par exemple, la sonnerie sur vos téléphones, c'est pas vous qui avez choisi au début quand vous l'utilisez, enfin vous pouvez changer, mais au départ il y a une sonnerie par défaut qui est mise dessus. Et donc c'est pour faciliter, en fait, éviter que les gens aient trop de choix à faire. Et c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour des décisions qui ont un impact plus fort sur l'environnement. Par exemple, le choix d'un menu à la cantine, est-ce que végétarien ou avec de la viande, on peut dire que l'option par défaut, au lieu que ce soit le steak frites, ça peut être un steak végétarien avec les frites. Et si une personne veut un menu avec de la viande, il doit le demander. Donc ça maintient quand même une liberté parce que les gens ont le droit de demander un steak de viande hachée. Mais cette option par défaut va faciliter, en fait, l'adoption d'un comportement éco-responsable qui est le menu végétarien. Du coup. Oui, ce biais d'inertie est assez intéressant. Mathilde Meuss, il a été déjà utilisé dans le domaine de dons d'organes, mais pas encore de l'environnement. Alors si, justement, il a été... Tout à fait, vous avez tout à fait raison de dire qu'il a été utilisé dans le cas du don d'organes. C'est une des premières grandes études internationales sur l'utilisation de l'option par défaut. Donc voilà, les chercheurs ont comparé différentes conditions où, donc dans un cas, l'option par défaut, c'est de donner ses organes. Dans l'autre cas, ça ne l'est pas. Et on voit des niveaux vraiment dramatiquement différents de dons d'organes selon l'option par défaut qui est utilisée, avec bien sûr beaucoup plus de dons quand l'option par défaut est de donner ses organes. Donc ça, c'est une des premières études qui a justement montré que cet effet était vraiment très très fort sur la psychologie humaine. Et dans le domaine de l'environnement, il y a eu des applications. Une étude que je trouve assez intéressante, c'est une étude qui a voulu tester si le changement d'option par défaut sur votre fournisseur d'électricité va avoir un impact sur ce choix de votre source d'énergie. Donc dans une des conditions expérimentales, les participants étaient avait comme option par défaut un fournisseur d'électricité de sources plutôt polluantes, dont par exemple le charbon ou autre. Et dans un autre cas, les participants étaient, avaient comme option par défaut une source de fournisseur d'énergie plutôt non polluante. Et on voyait si les participants changeaient de choix de fournisseur ou pas selon l'option par défaut. Et donc, comme dans le cas du don d'organes, on a remarqué que quand l'option par défaut est sur un fournisseur d'énergie plutôt verte, les gens ont tendance à conserver cette option, alors que quand c'est l'inverse, bah, les gens conservent l'option plutôt polluante. Et ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait aussi un groupe contrôle à qui on demandait juste de faire le choix entre les deux fournisseurs d'électricité, mais sans mettre d'option par défaut. Et ce que les résultats ont montré, c'est que dans ce groupe contrôle, la majorité des participants choisissent un fournisseur d'énergie non polluante. Donc en fait, on retrouve les résultats de l'option par défaut d'une énergie verte. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, vous avez à paramétrer une option par défaut, on sait que ce paramétrage va avoir un impact. Alors je pense que la solution quand même la plus éthique dans ce cas-là, c'est de faire en sorte que l'option par défaut corresponde à l'option qui est la plus bénéfique pour la société, quitte à l'indiquer d'ailleurs au moment du choix, dire bah voilà, cette option c'est celle qui est considérée comme la plus éco-responsable. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, ça va pas à l'encontre des préférences des gens, puisque dans cet exemple, quand on demande aux gens librement de choisir, ils choisissent plutôt la source d'énergie non polluante. Voilà, les nudges, hein, ce petit coup de pouce qui peuvent influencer les choix. Il existe autant de nudges que de biais, hein, par ailleurs. Il ne faut pas non plus tomber dans une optique de manipulation, comme vous venez de dire, en faisant attention évidemment à l'éthique, Mathilde Meuss. L'identification de barrières psychologiques à l'action climatique incite à imaginer des solutions psychologiques pour les surmonter. On continue de parler des leviers d'action. Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD. Natacha Trio. À 16h40 sur France Culture, nous parlons de cerveau et de crise environnementale avec Aurore Grandin et Mathilde Meuss. Il n'est pas possible de réduire à un simple facteur biologique ou cérébral les incohérences dont on peut faire preuve dans nos actions face au changement climatique. Pour expliquer cela, il faut au contraire mobiliser l'ensemble de la famille des sciences cognitives et c'est la mission d'un groupe de recherche auquel vous vous êtes intéressé. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et ce laboratoire s'appelle le ACT Lab. J'en ai rencontré le fondateur, Thibaut Griesinger, qui est docteur en sciences cognitives, et Rita Abdel-Sater, qui est docteur en économie comportementale. Thibaut Griesinger nous explique comment, dans ce contexte de crise climatique et de difficultés à la mise en action, le ACT Lab a été créé pour mobiliser toute la variété des approches permises par l'ensemble des sciences cognitives, de l'anthropologie sociale à la psychologie sociale, en passant par les neurosciences plus fondamentales, et de mettre ses connaissances au service d'acteurs de terrain ou de décideurs publics. Quant à Rita Abdel-Sater, elle nous explique son travail de thèse, un travail qui a porté notamment sur nos représentations vis-à-vis d'éléments aussi simples que les feux de bois et qui met en évidence la difficulté qu'on peut avoir à changer de perception sur un élément qui n'est pas toujours aussi vertueux qu'on le pense. L'interrogation de départ, c'était où est-ce qu'on peut essayer d'améliorer l'action publique en utilisant ses connaissances. Les sujets qui émergeaient en travaillant à la mairie, c'était par exemple les déchets par terre, pourquoi les gens jettent par terre, comment on peut faire pour que les gens ils arrêtent de le faire. Donc déjà, comprendre pourquoi on fait des comportements qui sont pas très sociaux parfois ou qui sont nocifs. On a travaillé par exemple en utilisant des méthodes psychométriques pour voir quelle couleur de poubelle est plus visible dans la ville, en utilisant que des expérimentations du laboratoire. Il y a eu toute cette recherche sur les nudges ou sur l'utilisation des sciences comportementales pour inciter les gens à se comporter d'une manière ou d'une autre. Et on a essayé de voir si cela peut être affecté par un statut socio-économique ou d'autres facteurs caractéristiques des gens. Et spécialement, on a travaillé aussi sur le chauffage au bois. Donc une expérimentation qu'on a faite pendant un an et demi, deux ans, en Île-de-France, sur les ménages qui ont un chauffage au bois et qui se chauffent au bois. Et là, quel résultat concret vous avez pu obtenir et quel type de comportement, entre guillemets, irrationnel vous avez pu faire émerger à partir de ce travail de recherche ? Avec le chauffage au bois, par exemple, si je vous dis aujourd'hui que 45% de la pollution en particules fines est issue du chauffage au bois en Île-de-France, en France ou en Europe, est-ce que vous me croyez ? Alors, j'aurais tendance à dire, non, c'est les voitures. Oui, alors, et vous êtes vraiment pas le seul, vraiment, la plupart des gens, quand on leur communique cette information, sont surpris, donc on voit que les gens ne le savent pas. De deux, quand on leur communique cette information, même si c'est d'une source fiable, ils ont tendance à ne pas croire et à aller essayer de chercher des petites failles pour dire, non, c'est pas vrai, ou... alors que la science, elle sait depuis très longtemps que brûler du bois est très nocif pour notre santé et pour l'environnement. Sauf que, par exemple, quand on sent l'odeur du bois, on est content, on est heureux, on associe ça à des moments conviviaux et naturels. Quand on sent l'odeur de la cigarette, on est dégoûté, alors que la fumée qui sort du bois, la combustion du bois, elle est beaucoup plus nocive que la cigarette. Donc là, on sait qu'il y a des biais qu'on a, des biais affectifs, de saillance, qui peuvent rentrer dans ce qui fait que tout ça fausse notre perception du risque sanitaire et la crédibilité de l'information qui est donnée. Et c'est ce qu'on a vu en faisant cette expérimentation. Thibault, comment est-ce que vous allez articuler ce type de travail de recherche au sein de l'ACT Lab avec d'autres acteurs, des acteurs publics, des acteurs qui vont avoir une influence peut-être directe sur la vie des gens? Donc c'est un réseau, en fait, le ACT Lab, qui est constitué de différentes disciplines des sciences cognitives et qui est constitué aussi de différentes pratiques de la recherche. Donc il y a des personnes qui sont dans la recherche fondamentale, donc qui vont vraiment être en laboratoire, étudier la cognition et de regarder comment est-ce que, par exemple, la conscience de l'empreinte carbone va moduler une envie de s'engager dans certaines actions environnementales, par exemple. On va avoir des personnes qui sont sur le terrain, qui ont fait la recherche plus appliquée, la recherche action, donc c'est mon cas. Donc en marge du ACT Lab, j'ai fondé le laboratoire des déviations écologiques, qui est une structure qui a pour but d'accompagner les collectivités dans l'intégration de ce facteur humain dans nos stratégies de politique publique, en croisant les sciences cognitives, le design également. Et le but qu'on a dans ce cadre-là, c'est de tester d'autres manières de mettre à contribution les sciences du comportement, non pas pour uniquement inciter des individus à changer leurs pratiques ou leurs comportements avec cette idée qu'on saurait ce qui est bon pour eux ou ce qui est vertueux de faire pour l'environnement, mais avec cette idée de mettre à contribution ces connaissances pour faciliter l'action collective et que des groupes se forment et des actions soient menées pour dépasser finalement les comportements individuels. Donc ce qu'on fait dans le cadre du laboratoire des déviations écologiques, en fait, c'est de la recherche de terrain. Donc on est sur le terrain, on essaie de guider l'action à partir de ces connaissances. Et entre les deux, il y a des personnes qui vont utiliser soit les sciences de la donnée, par exemple, pour essayer de mobiliser ces compétences pour faciliter la compréhension de certains problèmes écologiques. Il y a des personnes qui vont faire de la recherche, qui vont se lier à des pouvoirs publics pour essayer de comprendre des problématiques. Donc au final, au ACT Lab, on a des personnes qui sont fondamentaux, appliquées, qui ont des champs d'expertise un petit peu différents. Et donc ensemble, on réfléchit à ce que ces disciplines peuvent faire pour la transition. Donc le but, c'est d'agréger finalement une communauté de personnes qui ont des travaux de recherche fondamentaux très différents, d'agréger une communauté de personnes qui testent sur le terrain des approches qui sont différentes, sur des thèmes qui sont différents, et d'en faire quelque part un commun, c'est-à-dire de mettre au pot commun du ACT Lab et au pot public, quelque part, toutes ces manières de mettre à contribution les sciences cognitives pour la transition écologique. On porte aussi des travaux en propre, donc on a des travaux de recherche ponctuels, on en a un sur la question de la gestion des communs, par exemple, notamment sur les aires marines protégées qu'on mène avec l'AFT, où là le but c'est de regarder comment est-ce que ces connaissances sur la cognition humaine peuvent faciliter la gestion commune de ressources ou la préservation de ressources, quelque chose qui est intrinsèquement humain, qui n'est pas individuel parce qu'il s'agit de se coordonner, il s'agit de repenser parfois des modèles économiques sur un territoire, de prendre en compte les particularités des différentes communautés, les jeux d'acteurs, etc. Et puis, on va aussi au ACT Lab porter des actions qui sont d'accompagnement des acteurs de la transition. Et donc là, on va utiliser en fait ce qui se fait dans les labos, mais aussi sur le terrain, pour développer des outils, pour permettre aux acteurs de la transition, ça peut être des associations, ça peut être aussi des formations d'ingénieurs ou des formations d'étudiants en sciences de la conservation, par exemple, pour les aider à intégrer finalement à ces clés de lecture à leur pratique. Donc là, l'idée, c'est de les doter de lunettes, qui sont des lunettes facteurs humains, pour qu'ils abordent leurs pratiques qui sont très techniques, d'ingénierie, de conservation, pour qu'ils prennent en compte finalement cette dimension-là dans leur métier et qu'ils fassent en sorte finalement de penser les usages ou les personnes à qui ça se destine, penser ce facteur humain dès le début. Et donc là, on va vraiment dans l'accompagnement, on va pas dire ce qu'il faut faire, mais on va plus former et développer des outils pour que des personnes qui sont sur le terrain puissent aussi porter ce regard-là sur les problématiques et avoir des actions qui sont plus adaptées. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. On arrive à la fin de cette émission. Mathilde Meuss, vous aussi, vous travaillez sur l'acceptabilité des politiques environnementales. Qu'est-ce qui fait qu'une politique est acceptable ou non? Et ça, pour le comprendre, il faut étudier des facteurs cognitifs. Oui, tout à fait. En fait, au départ de l'approche comportementale appliquée aux politiques publiques, il y a vraiment eu cette question sur d'abord l'efficacité, comment on peut faire en sorte que l'action publique soit plus efficace en prenant mieux en compte la psychologie humaine. Mais en fait, on s'est ensuite rendu compte que cette question ne suffisait pas, puisqu'il y a des politiques publiques qui sont jugées très efficaces par les experts, par exemple la taxe carbone, mais qui sont très peu acceptables pour la population, et pas seulement en France avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a vraiment une contestation dans énormément de pays de cet outil qui est la taxe carbone. L'acceptabilité, c'est vraiment un jugement mental que vous émettez sur un certain objet, donc ici une politique environnementale. Donc c'est par essence, c'est quelque chose de cognitif. Et donc c'est pour ça que les sciences comportementales, je pense, sont très équipées pour répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette acceptabilité? Et voilà, dans le cas spécifique de la taxe carbone, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent ces jugements. Des variables qu'on appelle socio-psychologiques, par exemple votre appartenance politique, votre perception du risque, etc. Aussi des variables contextuelles, votre niveau de confiance envers le gouvernement, envers autrui. Et également, des choses auxquelles on pense moins souvent, les caractéristiques mêmes de votre politique. Donc pour la taxe carbone, de nombreuses études ont montré que la manière dont vous utilisez les recettes qui sont générées par la taxe a un impact très très fort sur les jugements d'acceptabilité. Et ce qui est le mieux perçu par les citoyens, ce qui vraiment génère le plus haut niveau d'adhésion, c'est le fait d'utiliser les revenus de la taxe carbone pour financer des projets environnementaux. Donc vraiment respecter le fait qu'on a une taxe environnementale et on va utiliser les revenus pour ce même domaine, le domaine de l'environnement. Donc voilà, c'est des sujets qui sont tout à fait émergents. Ce biais cognitif là dont vous parlez, c'est un biais cognitif de budget. Utilisation mentale, c'est ça, ce qu'on appelle l'affectation. Exactement, c'est un biais qui a été mis en évidence par l'économie comportementale. Donc c'est, en anglais, ça s'appelle le mental accounting. Donc la budgétisation mentale, c'est le fait qu'on va avoir tendance à regrouper mentalement les budgets selon des thématiques. Et on va avoir tendance à créer des liens comme ça de correspondance entre l'origine des revenus et la manière dont ils sont utilisés. C'est pour ça que ça nous semble très intuitif que des revenus d'une source environnementale soit utilisée pour des projets environnementaux. Tout comme il nous semble intuitif que les revenus d'une taxe sur le tabac soient utilisés pour des projets de prévention de prévention en santé. Là, tous vos travaux aussi, c'est pour réfléchir, parce que quand on entrera dans une société de sobriété, car on va forcément devoir y arriver, là, il va y avoir un coup psychologique, et vous travaillez également sur ça, Mathilde Meus. Oui, tout à fait. Ça va demander la sobriété, vraiment un changement très très important de mode de vie. Et il va falloir créer un accompagnement psychologique pour les personnes qui vont devoir le plus changer leur quotidien et justement proposer des mesures qui soient à la fois efficaces mais aussi acceptables pour ces personnes. Je pense aussi aux initiatives qui ont de plus en plus lieu sur des budgets participatifs ou des conventions citoyennes. Ça, c'est des choses qui marchent très très bien parce qu'on implique les individus dans les problématiques, on leur fait confiance, on leur dit bah, votre jugement est important, autant que celui des décideurs. On a besoin de l'avis collectif de la population dans son ensemble. Et je pense que ces outils vont être amenés à être développés dans le futur. Alors pour conclure, Aurore Grandin, pour réconcilier nos cerveaux avec l'effort écologique, la solution, c'est la coordination sociale. Oui, pour répondre à l'aspect un peu de dilemme social, je pense que c'est effectivement le fait de se mettre d'accord sur un plan d'action de manière collective où les efforts sont répartis de manière équitable. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez fort dans l'acceptabilité d'une politique, d'un plan d'action environnemental. C'est la répartition des efforts et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une coordination, une coopération qui est généralisée et qui fait qu'on va éviter de se renvoyer la balle si on a la perception que tout le monde apporte sa petite contribution à un effort global. Ouais, lorsque l'effort est suffisamment partagé par le collectif, hein, ça devient une norme et ça ne pose plus de problème, c'est comme le recyclage aujourd'hui, plus personne ne se pose cette question. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure, c'était un plaisir et puis il est maintenant temps de retrouver Gilles Boeuf et sa chronique hebdomadaire, le pourquoi du comment. Bonjour à tous, j'ai choisi de vous parler d'océan, d'ailleurs en trois chroniques qui vont se succéder. Pourquoi l'océan ? En fait, quand la Terre se forme, maintenant c'est bien connu, 4,6 milliards d'années, elle se refroidit, l'eau se condense, la Terre était capable de garder une partie de son eau initiale, puis beaucoup d'eau est venue ensuite de l'espace, hein, par des impacts de milliards de météorites. Et cet océan, en fait, verra émerger le vivant. On est vers un peu moins de 4000 millions d'années, des micro-organismes, hein, des cyanobactéries au début, et puis ensuite des êtres vivants plus élaborés. Et on va voir en fait que tout s'est passé dans l'océan. Chez les animaux, par exemple, il n'y a pas de groupes qui sont nés sur les continents. Tout était déjà apparu dans l'océan, et certains ont été capables ou non de sortir de l'océan. Alors, cet océan, c'est de très loin le plus grand espace de vie de la planète. Hein. Aujourd'hui, il fait 71% de la surface, mais vaut bien mieux calculer en fait en volume, hein, puisque l'océan, il fait 3800 mètres de profondeur moyenne. Et la principale caractéristique de ce grand milieu, ce gigantesque milieu, c'est sa continuité. Il vaut beaucoup mieux parler d'un océan que des océans. À 400 mètres de fond, on trouve la même eau. Hein. Quand nos collègues font les courses autour du monde, ils ne trouvent pas de pointillés sur une carte, hein, ou de barrière ou de limite. Donc, un océan unique, en connectivité. Deuxième caractéristique que vous connaissez bien, c'est la salinité. Je pense souvent au premier humain qui a rencontré l'océan, qui a bu cette eau et qui l'a recrachée, alors que d'habitude, chaque fois, cette eau était fondamentale pour lui. Elle est extrêmement stable, cette salinité, en mer au large, 35 grammes de sel par litre. Et ça, c'est intéressant aussi, ça peut varier aussi un peu avec la profondeur. La composition de l'eau océanique au large est presque la même partout. Et ça, c'est intéressant. Et depuis très longtemps, au moins depuis 100 millions d'années, donc c'est le milieu de vie le plus stable sur la Terre. Et puis, bien sûr, la troisième caractéristique, vous la connaissez bien, en dehors de cette connectivité, cette salinité, c'est vraiment qu'on est sur un milieu très stable. Alors en fait, comment peut-on définir le vivant et la biodiversité? Je dis souvent, quand je faisais ma leçon inaugurale au Collège de France, c'est la fraction vivante de la nature. Hein. La nature vivante, c'est la biodiversité. Et elle apparaît à partir d'une chimie qu'on appelle prébiotique avant la vie dans l'océan ancestral. D'une chimie particulière construite sur une géodiversité qui était là auparavant, bien sûr. Hein. Cette vie est apparu assez rapidement, finalement, après le refroidissement de la Terre, puisque pendant 700 millions d'années, il n'y avait pas de vie, et puis la biodiversité se développe. Or, imaginons la vie au départ extrêmement primitive. Hein. C'est une vie, effectivement, un monde à ARN, avec des protocellules, hein, et puis les cyanobactéries qui vont commencer à coloniser l'océan. Alors, je rappelle qu'une bactérie, c'est une membrane. Donc de l'eau liquide dedans, de l'eau liquide à l'extérieur, avec des communications entre les deux milieux. Et grâce à leur pigment spécifique de ces cellules, eh bien la photosynthèse, qui est la réaction clé du vivant aujourd'hui, hein, dans de l'eau liquide, en présence de CO2, on produit évidemment, grâce à la lumière du soleil, de l'oxygène et des sucres. Et tout est parti de là. Ceci avant 3,5 milliards d'années. C'est un peu comme un verre, en fait, l'océan. L'océan a été saturé en oxygène, puis quand il a été saturé, ben, il est sorti et il a fait la composition de l'atmosphère actuelle avec ses 21% d'oxygène, hein, depuis pratiquement 100 millions d'années. Et les grands événements du vivant se sont produits dans l'océan. D'abord, l'apparition de la membrane nucléaire, une membrane autour du noyau. Donc, on passe de cellules sans noyau, les bactéries, aux eucaryas, cellules qui ont des noyaux, avec cette membrane particulière, avec un noyau dans lequel se concentre, bien sûr, l'ARN ou l'ADN, vers 2,2 milliards d'années. Après, la capture de cyanobactéries ambiantes d'êtres vivants, qui vont entrer en symbiose avec ces cellules, la mitochondrie, petite usine à énergie de la cellule, et le plast chez les végétaux chlorophylliens. Les deux ont leur propre petit ADN. Et maintenant, quand on fait du séquençage, on fait de l'ADN du noyau, mais de l'ADN aussi du plast ou de la mitochondrie. Ceci donc vers 2,1 milliards d'années pour les mitochondries, 1,4 pour les plastes chez les végétaux chlorophylliens, chez les bactéries qui font la photosynthèse. Et un peu plus tard, troisième événement fantastique, la pluricellularité. Hein, ces êtres vivants unicellulaires vont se grouper pour faire des organes, des organismes. Et puis un petit peu après, la sexualité. La sexualité, c'est, on sait que c'est très compliqué, mais c'est génial. C'est le meilleur système que le vivant ait trouvé pour créer de la biodiversité, de la différence. D'abord chez les bactéries, et plus tard chez les cellules à noyau. Et c'est ceci qui permettra dans l'océan ancestral l'explosion de la biodiversité. Merci Gilles pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Merci Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Nafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim à la réalisation, Sam Bakiast à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon.